Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins de la philosophie qui cette semaine vous raconte des histoires platoniciennes. Pourquoi Platon a-t-il recours aux mythes, parfois les plus invraisemblables, pour faire avancer son raisonnement philosophique? Eh bien après l'allégorie de la caverne et le mythe de Prométhée, aujourd'hui voici le mythe de l'Atlantide qui soulève une question, la perfection est-elle de ce monde? Radio Atlantis. Radio Atlantis. Tout le monde connaît la légende de l'Atlantide, cette île quelque part au milieu de l'Atlantique que peuplait une civilisation évoluée qui possédait une technologie fort supérieure à la nôtre et qui, selon notre vieil ami Platon, aurait été brutalement frappée par un effroyable cataclysme et engloutie sous la mer. Vous me demanderez peut-être, pourquoi l'Atlantide? Ce n'est qu'un mythe, ce n'est que pure fiction. Les mythes, ce sont des histoires que les gens se racontent ou qu'ils entendent raconter. Oula, l'Atlantide est tout sauf une légende. 10 000 ans avant que les Égyptiens eurent bâti les pyramides, l'Atlantide avait l'électricité, d'étonnantes connaissances médicales et avait même inventé l'aviation. Impossible! Mais non, pas pour les Atlantes. Nombre de civilisations anciennes s'accordent à dire que les Atlantes possédaient une mystérieuse source d'énergie, plus puissante que la vapeur, que le charbon, plus puissante encore que nos moteurs à combustion interne. Chers messieurs, l'idée que je propose serait de trouver l'Atlantide, trouver cette énergie mystérieuse et la remonter à la surface. Pause dramatique. Ce sont donc des histoires qui tendent à fonder par ce qui s'est passé à l'origine des temps la raison pour laquelle les choses sont comme elles sont. Maintenant, messieurs, si vous avez des questions, allons-y. Bonjour Marwan Rached. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes professeur d'histoire de la philosophie ancienne et de philosophie arabe à l'université Paris-Sorbonne, directeur adjoint du centre Léon Robin, le centre de recherche sur la pensée antique. Êtes-vous d'accord avec Claude Lévi-Strauss, dont on a entendu la voix, lorsqu'il qualifie l'utilité du mythe comme étant toujours une manière de réfléchir sur l'origine de l'humanité? Assurément, assurément. C'est par là qu'il faut commencer. Quand on s'interroge sur les mythes platoniciens, c'est par là véritablement qu'il faut commencer. Et je pense qu'aujourd'hui, nous parlerons beaucoup d'origine, parce que le mythe de l'Atlantide, c'est assurément un mythe de l'origine, ou des origines. Pourquoi avoir proposé, puisque nous vous avons demandé de quel mythe vous souhaiteriez parler au cours de cette semaine, et vous avez proposé l'Atlantide, pourquoi? C'est un mythe que j'aime beaucoup, tout d'abord. J'ai beaucoup travaillé sur le Timée lors de mes enseignements à l'École normale supérieure et à la Sorbonne. Qui est le dialogue de Platon dans lequel on trouve notamment ce récit d'Atlantide. Exactement. Et par ailleurs, c'est un mythe qui a une position véritablement singulière, puisque c'est d'une certaine manière, en tant que réflexion sur l'origine, le mythe de tous les mythes platoniciens. Et alors, continuons sur cette importance du mythe. Pourquoi Platon a-t-il recours, lorsqu'il écrit ses dialogues, dans lesquels il met en scène Socrate, a-t-il recours au mythe, qui est un mode de raisonnement qui n'est pas argumentatif, qui n'est pas démonstratif, alors que par ailleurs il loue les qualités indispensables de la raison pour accéder à la vérité? C'est une question évidemment très très difficile. D'une certaine manière, le mythe, et c'est ce qu'on dit souvent, le mythe est ce que la parole devient quand elle ne peut plus argumenter de manière parfaitement rationnelle. Donc il y a quelque chose comme ça dans le mythe. On peut aussi dire que le mythe, chez Platon, est une façon de transposer un discours qui serait mathématique, ou qui emprunterait beaucoup de ces éléments, de ces modes d'argumentation mathématiques, dans le cadre d'un dialogue qui se déroule entre citoyens athéniens ou entre grecs, qui ne sont pas nécessairement mathématiciens. C'est-à-dire qu'il y a là un jeu entre ce que Platon pense véritablement des sujets dont il traite et ce qu'il peut faire dire aux personnages qui sont les siens, puisque, ne l'oublions pas, les textes platoniciens sont des dialogues. Donc dans un dialogue, a priori, on ne commence pas à parler de mathématiques de façon lourde. Et nous verrons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de mathématiques derrière le mythe de l'Atlantide. Ce qui n'apparaît pas à première vue en entendant un résumé très hâtif de l'Atlantide, qui n'est pas facile à résumer d'ailleurs, le mythe lui-même, parce qu'il intègre beaucoup de composantes politiques, historiques et donc sans doute scientifiques. Vous allez nous éclairer là-dessus, Marwan Rached. Alors, peut-être essayons de le situer dans le texte du Timée. Oui. Le dialogue du Timée commence avec une référence à une discussion qui a eu lieu la veille, mais que le lecteur n'a pas lue. Oui, exactement. Donc, avec une discussion qui nous rappelle beaucoup la première moitié de la République de Platon. Alors à partir de là, la situation narratologique, donc la question de la narration est très complexe, parce que on peut imaginer qu'il s'agit du dialogue décrit dans la République, mais on peut aussi imaginer qu'il s'agit d'un moment où Socrate a raconté ce qu'il a raconté dans la République, mais qu'il l'a raconté cette fois-ci à une autre occasion, ce qui pourrait expliquer les petites divergences entre ce résumé de la République et la République telle que nous l'avons écrite par Platon. Donc la situation est assez complexe, et ce qui compte, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que Platon nous dit, enfin donc le, par le truchement de Socrate dans le Timée, Platon nous dit vouloir mettre la République en mouvement. Et ça, c'est une déclaration très, très cryptée, très difficile à comprendre, qu'il faut sans doute rapporter au moins en partie au fait que le Timée va, donc le dialogue va, qui nous occupe, va contenir la physique de Platon, et donc va contenir la façon dont Platon comprend les transformations du monde et le mouvement. Alors ce qui est étonnant, c'est que le texte s'ouvre avec cette référence à une discussion politique qui a eu lieu la veille, oui, et qui portait sur l'existence d'une constitution idéale. Oui. Et le dialogue va continuer, après l'évocation du mythe de l'Atlantide, avec un récit de l'origine cosmologique de la planète, de l'humanité, des animaux, etc. Quel lien entre la constitution idéale et le récit des origines ? Alors Platon nous le dit, mais nous le dit là encore de manière cryptée au début du Timée. Platon nous explique que pour décrire la meilleure des constitutions, il faut mettre en scène, en quelque sorte, ceux qui en seront les acteurs et les promoteurs. Et pour mettre en scène ces acteurs et ces promoteurs, il faut proposer un panorama justifié, un panorama véridique du cosmos dans lequel ces gens s'insèrent. Donc il y a une sorte de progression du plus général au particulier, c'est-à-dire que la physique est une fondation de la politique. Ça, c'est ce que Platon nous dit. Maintenant, il y a toujours de la malice chez Platon, et on peut se demander si Platon a vraiment voulu faire du Timée une introduction à un discours plus proprement politique, parce qu'il n'y a rien de politique dans le discours de Timée de Locre, donc l'un des personnages du Timée, qui va raconter sur plusieurs dizaines de pages une physique, qui va donc parler du monde, du cosmos. Il n'y a rien de politique. On peut se demander s'il était vraiment de l'intention de Platon d'articuler à cette physique, à cette cosmologie, une politique, donc une théorie de la constitution ou une théorie donc de l'État. Alors les spécialistes divergent sur cette question. Certains pensent que le projet était véritablement là chez Platon. Certains pensent qu'il l'aurait même mené à bien. Certains pensent que le projet était là mais que Platon ne l'a pas mené à bien. Et certains pensent que le projet n'était tout simplement pas là et que d'une certaine façon nous avons affaire à quelque chose comme un artifice de composition au début du Timée. C'est-à-dire une façon d'expliquer que la cosmologie est en surplomb sur la politique, sans pour autant qu'il faille écrire la politique correspondant à cette cosmologie. Mais ce que vous dites nous permet de penser aussi le cadre de réflexion dans lequel s'inscrit Platon quand il écrit, qui est en fait celui de la pensée antique, oui, qui est de l'impossibilité de distinguer complètement le règne humain du règne naturel. Parce que si la physique guide la politique, ça veut dire qu'on ne peut pas penser simplement l'homme selon une idée très moderne du libre arbitre ou du choix de décider pour le meilleur gouvernant, mais qu'en fait l'homme est lui-même régi par des lois physiques qui sont aussi parfois des lois divines. Absolument, absolument. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que le Timée recourt perpétuellement pour expliquer donc le cosmos à des modèles politiques. C'est-à-dire qu'il y a une imbrication forte entre la structure politique du cosmos. Donc le cosmos est d'une certaine manière une grande cité. Le corps humain lui-même s'apparente à une cité, les différentes fonctions humaines s'apparentant à différentes tâches sociales. Et évidemment, c'est parce que le cosmos est lui-même une grande cité que l'on pourra véritablement faire habiter le monde des hommes, pardon, faire habiter les hommes dans ce cosmos. En un sens un petit peu fort du terme, évidemment, habité. Alors, le mythe de l'Atlantide intervient alors que Socrate, on l'a dit, évoquait la possibilité d'une constitution idéale. Et l'un de ses interlocuteurs va lui raconter cette histoire. Avant qu'on en écoute un extrait, puisqu'elle est racontée dans ce texte, puis dans un autre dialogue sur lequel on viendra un peu plus tard, qu'on écoute la façon dont les mots sont choisis pour raconter vraiment ce mythe, pourquoi cette importance de l'idéal ? Parce qu'en fait, l'Atlantide, c'est une cité dite idéale. Et l'idéal est par définition inatteignable par l'homme. Alors pourquoi avoir recours à l'idéal, à une forme de perfection qui serait ici-bas, pour réfléchir à la manière que nous aurions de vivre ensemble dans la politique ? Alors, la chose est évidemment plus compliquée puisque, comme vous le savez, l'Atlantide est d'une certaine manière déjà en elle-même une dégénérescence ou une perversion d'un idéal. L'Atlantide, je vous le rappelle, donc, est un état, un empire. Donc, c'est une île au-delà du détroit de Gibraltar. Et c'est un état puissant et impérialiste qui, à partir d'un certain moment, décide d'envahir ce qui est donc le bassin méditerranéen, entendu en un sens large. Donc c'est déjà un État qui, je dirais, a déchu. Et donc si quelqu'un représente ou porte le drapeau de l'idéal dans le mythe dit de l'Atlantide, c'est plutôt la vertueuse Athènes qui existait il y a 9000 ans. Vertueuse Athènes qui, oui, 9000 ans, si on situe l'Atlantide, c'était il y a 9000 ans. C'est-à-dire Platon nous dit que cette histoire s'est passée 9000 ans avant le présent de la narration, c'est-à-dire donc 11000 ans pour nous. 11000 ans pour nous et 9000 ans pour les protagonistes. Donc encore une fois, le porte-drapeau de l'idéal dans cette histoire, c'est plutôt Athènes la vertueuse, et on pourrait croire, bien que je ne le crois pas, on pourrait croire que le mythe de l'Atlantide est avant tout un mythe d'Athènes. À partir de ce moment-là, votre question se pose, pourquoi finalement arrimer de façon si forte une cité terrestre, parce qu'Athènes, après tout, même il y a 9000 ans ou 11000 ans, est une cité terrestre, à quelque chose comme un idéal? Pourquoi en faire un dépositaire de valeurs en quelque sorte intelligible, donc de vertu, en particulier de mesure, et Dieu sait si la mesure est un thème important pour Platon. Et c'est là peut-être qu'il y a toute la subtilité, ou d'une certaine manière je dirais presque la perversité de Platon dans cette narration de l'Atlantide, c'est qu'il n'est pas du tout sûr qu'il faille comprendre ce mythe qui n'est pas de l'Atlantide, mais qui serait d'Athènes, comme véritablement un mythe politique d'Athènes. Vous dites, quand vous dites parler du mythe d'Athènes, c'est l'Athènes antique. L'Athènes antique. Athènes avant qu'elle ne se soit corrompue et qu'elle... Exactement. Qu'elle soit dégradée, comme c'est le cas au moment où Platon écrit. Voilà. Où Athènes se porte mal. C'est ça. Et j'aurais bien sûr dû le préciser. Là, les historiens ont bien remarqué, donc Pierre Vidal-Naquet en tête, les historiens ont bien remarqué que l'Atlantide d'antan est une sorte de préfiguration de l'Athènes du temps présent. Quelle est la puissance impérialiste à l'époque où les protagonistes du Timée se réunissent à Athènes pour dialoguer? C'est bien sûr Athènes qui a constitué une ligue égéenne à la tête de laquelle elle se trouve. Et c'est Athènes, bien sûr, qui use d'un impérialisme sans complexe à l'égard de ceux qu'elle appelle ses alliés. Donc, il va de soi qu'il y a là quelque chose comme une inversion. C'est-à-dire que le passé reflète en l'inversant, et ce n'est pas pour rien qu'il y a une théorie du miroir dans le Timée, reflète en l'inversant le présent. Donc, il y a là une dimension politique, et l'on pourrait donc tout à fait, ce serait un premier moment de l'analyse, on pourrait tout à fait se dire que, voilà, cette Athènes archaïque représentée dans le Timée est un mythe au sens où elle est une Athènes idéale à laquelle ne correspond plus l'Athènes du temps présent. Alors pourquoi ne pas avoir nommé Athènes directement la part de Platon? Pourquoi s'être servi de l'Atlantide s'il voulait parler d'Athènes? Il parle d'Athènes, mais il parle d'Athènes comme, évidemment, l'adversaire du royaume des Atlantes, l'adversaire de l'Atlantide. Donc, il nomme Athènes. La question qu'on peut se poser, et c'est votre question, c'est de se demander pourquoi, finalement, Platon raconte une histoire si lointaine, c'est-à-dire invente une histoire remontant à 9000 ans, alors que le schème narratologique qu'il met en place est un schème parfaitement banal à son époque chez les historiens, les tragiques, les rhéteurs grecs, donc athéniens, que Platon côtoie sur l'agora, à savoir donc l'idée d'une grandeur d'Athènes à l'époque des guerres médiques. Donc je vous rappelle que la date fictive donc de la rencontre entre Timée, Socrate, Critias et Hermocrate c'est environ 421, 422 avant Jésus-Christ. Et les guerres médiques sont donc les guerres contre les Perses, donc cette résistance héroïque d'Athènes et des Grecs contre l'envahisseur perse, contre l'impérialisme perse. Les guerres médiques se déroulent vers 490-480, disons entre 490 et 479 pour être précis. Donc on pourrait se demander pourquoi, mythe pour mythe, pourquoi ne pas tout simplement raconter une énième fois la grande résistance athénienne contre l'envahisseur perse avec sa violence, sa brutalité. Et c'est ça la question, je dirais. Est-ce que vous voulez y répondre avant d'entendre le texte ou après ? Non, d'abord Platon. D'abord Platon, par Vincent Schmitt. En cette île Atlantide, s'était constituée une grande et admirable puissance de rois. Elle dominait toute l'île, de nombreuses autres îles, des parties du continent. En plus de cela, d'entre nos contrées intérieures, il régnait d'un côté sur la Libye jusqu'aux confins de l'Égypte, de l'autre sur l'Europe jusqu'à la Tyrrhénie. Tant et si bien que cette puissance, après s'être tout entière concentrée en un seul point, entreprit un beau jour, d'un seul élan, d'asservir à la fois votre contrée, la nôtre et toutes celles qui se trouvent en deçà de l'embouchure. C'est alors, Solon, que la puissance de votre cité fut rendue manifeste à tous les hommes par votre excellence et votre vigueur. Surpassant tous les autres par sa force d'âme et sa maîtrise de tous les arts de la guerre, tantôt à la tête des Grecs, tantôt par nécessité réduite à elle-même, seule quand les autres prenaient leur distance, allant au-devant des dangers les plus extrêmes, finissant par vaincre ses assaillants, elle dressa un trophée. Elle empêcha ceux qui n'avaient pas encore été réduits en servitude d'être réduits en servitude, et les autres, nous tous qui habitons à l'intérieur des frontières d'Héraclès, elle les affranchit sans jalousie. Mais dans le temps qui suivit, il y eut des tremblements de terre effroyables et des cataclysmes. Dans l'espace d'un seul jour et d'une nuit terrible, l'île de l'Atlantide s'abîma dans la mer et disparut. Ainsi parlait Platon. Et ainsi parle Platon. Aujourd'hui sur France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons du mythe de l'Atlantide en compagnie du philosophe Marwan Rached. Alors, Marwan Rached, une chose avant qu'on commente ce texte qu'on vient d'entendre, qui alors vraiment, c'est un récit quasiment hollywoodien, là, avec la musique, on rentre vraiment dans une aventure. Une chose quand même sur le style, puisque vous parlez de la narration. Ici, Platon semble emprunter les codes quasiment homériques de l'écriture. On est loin du dialogue philosophique, il est vraiment, on sent le plaisir, il y a même des références qui semblent être presque directes au style de Homère. Il y a quelque chose d'homérique, il y a quelque chose de rhétorique, au sens de la grande rhétorique d'Athènes, quelque chose donc du panégyrique, au fond, pour dire les choses. C'est un éloge des anciens, un éloge des vertueux et valeureux anciens, qui constitue une partie importante de l'auto-représentation d'Athènes à l'époque où Platon écrit. Et donc Platon pastiche, avec un humour consommé. C'est ça. Platon pastiche ce discours très, au fond, très nationaliste, en quelque sorte, pour employer une catégorie anachronique. Alors, dans le texte, on l'a entendu, il y fait référence à Solon. Il faut peut-être expliquer, en fait, qui dit ce texte, parce que ce n'est pas Socrate lui-même. Oui. Alors, comme souvent dans les dialogues de Platon, on a affaire à un mécanisme d'emboîtement. C'est-à-dire que l'histoire est racontée par quelqu'un qui tient cette histoire de quelqu'un d'autre, etc. Et l'histoire s'origine, juste c'est le cas de le dire, en Égypte. C'est une histoire racontée d'abord par des prêtres égyptiens qui en ont gardé la mémoire dans leurs archives, dans leurs temples, ou de bouche de prêtre à oreille de prêtre. Cette histoire donc s'origine en Égypte et elle est racontée par les prêtres égyptiens à Solon, qui, comme tout Athénien cultivé de l'époque, comme tout Athénien bien-né, fait son voyage d'Égypte pour apprendre un petit peu du savoir des Égyptiens. Et donc, Solon, de retour à Athènes, raconte cette histoire à de tout jeunes gens, donc à un tout jeune Critias, Alors, il y aura beaucoup de critias dans cette histoire, donc les historiens ont essayé de les numéroter. C'est un travail très compliqué et, à mon avis, c'est une tâche véritablement qu'on ne peut pas remplir pour des raisons philosophiques très précises sur lesquelles on reviendra peut-être. Il y en a deux là dans le dialogue. Il y a Critias qui parle à Socrate, qui raconte les propos de Critias l'Ancien, voilà, qui est un de ses ancêtres. Le problème, c'est de savoir si l'on doit situer d'autres Critias entre ces deux-là. Parce que donc Solon est quelqu'un qui naît vers 630 avant Jésus-Christ, donc qui va en Égypte à la fin du 7e siècle, vers 610-600, qui à son retour d'Égypte raconte cette histoire à un bambin d'une dizaine d'années. Donc celui-ci est né lui aussi autour de 600. Et nous sommes maintenant en 421, oui. Je vous le rappelais, 421, c'est-à-dire nous sommes quasiment deux siècles après. Oui, à moins d'avoir vécu 100 ans chacun. Donc à moins d'avoir vécu 100 ans chacun et de se transmettre le relais de façon parfaitement, donc là encore, extrême, c'est-à-dire de centenaire à bébé, je dirais presque, c'est très difficile. Donc, il se passe quelque chose dans la narration de Platon. Et nous avons déjà parlé en début d'émission de généalogie, d'origine. Et vous voyez se dessiner un thème assez fascinant. Vous voyez que, comme par hasard, la généalogie commence à faire des siennes. La généalogie historique commence très vite à ne plus marcher. Et évidemment, c'est un thème philosophique de première importance. Il faudra se demander pourquoi... Même pour Platon ? Bien sûr. Pourquoi la généalogie historique dysfonctionne à ce point ? C'est-à-dire pourquoi, dès que nous sommes plongés dans le temps, nous ne parvenons plus à rien contrôler ? Est-ce que ce n'est pas une manière de passer le relais au mythe, de justifier de passer le relais au mythe ? La généalogie ne fonctionne pas, la science peut-être ici n'est pas à même d'expliquer les choses, alors débridons l'imagination et allons dans le mythe. Absolument. Absolument, c'est une dimension très importante de la chose. Un autre aspect du même point consisterait justement à dire que le passage au temps a lui-même quelque chose de mythique, que le passage à la généalogie, qu'une réflexion sur l'origine n'arrivant pas en quelque sorte à dépasser la généalogie temporelle est mythique. Il est dit, juste après le récit de ce texte, par Critias toujours, il dit « Il est vrai que les choses apprises dans l'enfance restent en mémoire d'une façon merveilleuse. Oui. » Et un peu avant, après le récit que Critias faisait de Solon, donc qui précédait le mythe de l'Atlantide, il y avait cette phrase en disant « Mais ça, c'est sans doute le mythe, il nous faut maintenant rejoindre la réalité. Oui. » Deux aspects qui insistent sur le caractère peut-être irréel de ce mythe. N'est-ce pas comme un aveu de faiblesse de la philosophie énoncée par Platon que d'insister sur le caractère mythologique, irréel, fabuleux, merveilleux de ce mythe ? Où ça ? Alors, les avis des spécialistes divergent. Et là, j'aurais tendance à être de l'autre côté. Où ça ? Où Platon est en train de se moquer royalement de Critias ? C'est-à-dire, il se peut que Platon, finalement, voit avec une certaine ironie, ou plutôt une ironie certaine, ce discours fier de soi, satisfait dans ses certitudes de ce Critias historien, tout content de nous rappeler ce récit antique. Il faut voir que Critias, il y a des grandes difficultés pour identifier encore une fois ce Critias, mais il est possible au moins que ce Critias soit l'oncle de Platon. C'est-à-dire que cette histoire de l'Atlantide est une histoire qui s'est transmise dans une famille athénienne très noble. La famille maternelle de Platon est parmi les plus nobles d'Athènes. Et c'est une histoire qui s'est donc transmise à l'intérieur de la famille de Platon. C'est une histoire dont on est fier, un petit peu comme une famille noble est fière de pouvoir exposer tous ses quartiers. Et cette histoire fait partie, en quelque sorte, des quartiers de noblesse de la famille maternelle de Platon. Et donc, il pourrait y avoir beaucoup d'ironie chez Platon à représenter son oncle, tout fier de pouvoir se réclamer d'un Athénien aussi important que Solon. C'est pas rien d'être en connexion directe, en ligne directe, pour ainsi dire, à la fin du 5e siècle, donc dans les années 420, 410, 400. Ce n'est pas rien de pouvoir se réclamer donc d'une proximité avec le grand Solon, qui est le grand législateur d'Athènes, un des grands hommes, des grands fondateurs d'Athènes, de l'Athènes politique que nous connaissons. Donc il se pourrait tout au moins qu'il y ait là beaucoup de perversité de la part de Platon, qui nous représente une sorte de Critias pétulant, de Critias, tout content, comme on dirait familièrement, tout content de nous montrer tout ce qu'il sait, tout content de rattacher sa famille à ce savoir ancien, tout content de nous expliquer que Solon était un proche, que Solon est allé en Égypte, que Solon avait un accès privilégié avec les prêtres du Delta. Et donc avec cette première histoire de l'humanité racontée par les prêtres à Solon. Ce qui est donc une manière de rentrer presque dans les coulisses des relations entre Socrate et ses interlocuteurs, qu'il a, oui. qui sont toujours importants en fait pour les récits platoniciens, justement, oui. et au-delà du mythe même. Il y a toujours des Absolument. Enjeux interpersonnels en fait entre les protagonistes. Absolument, mais là, Platon efface Socrate, c'est-à-dire que c'est vraiment une affaire de famille. Donc Critias serait l'oncle, Platon le neveu. Platon, en quelque sorte, donc règle, pas, non pas au sens trivial des choses, mais disons, règle un compte non pas familial, ça n'aurait pas grand sens, ni grand intérêt, mais règle un compte philosophique avec Critias. C'est-à-dire que ce dont il va s'agir, et je crois que c'est ça le point philosophique crucial de notre affaire, ce dont il va s'agir, c'est de dépasser une généalogie trop historique, ou historique trop historique, c'est-à-dire une généalogie ancrée dans la temporalité. Alors bien sûr, les prêtres qui vont raconter cette histoire à Solon vont insister sur la véracité de leur dire, sur la fiabilité de leurs sources. Donc on a toute une construction de la transmission de cette histoire qui vise à nous faire croire, en quelque sorte, qu'elle est très très bien attestée. Que chaque chaînon est solide, mais précisément, cette insistance attire nos soupçons. D'autant plus, encore une fois, qu'on a un trou d'un siècle à peu près entre le Critias qui a entendu cette histoire de la bouche de Solon et le Critias qui la raconte à ses interlocuteurs dans le dialogue de Platon. Mais alors, qu'est-ce qui, dans ce mythe, le rend si important dans l'histoire de la philosophie, dans l'histoire, enfin pour la philosophie de Platon, mais aussi pour la suite, parce que le mythe de l'Atlantide a connu une postérité gigantesque, jusqu'à la nouvelle Atlantide de Francis Bacon, jusqu'à un film de Walt Disney en 2001 où il y a encore question de la nouvelle de l'Atlantide. Finalement, Platon serait le premier à en parler, n'est-ce pas ? On ne trouve pas de traces du récit de l'Atlantide avant Platon. Absolument, c'est le premier. Absolument. Donc comment vous expliquez qu'à partir de là, une telle postérité ait pu avoir lieu ? Parce que Platon est un immense psychologue. Platon comprend l'âme humaine comme personne, et Platon sait qu'en nous donnant ces petits morceaux d'une histoire originelle, en imbant ces petits morceaux d'une histoire originelle dans un tel halo séduisant de mystère, il fait appel à notre amour pour les histoires, à notre amour enfantin pour les histoires, et il sait d'une certaine manière que nous allons immédiatement accrocher. Donc la postérité immense de l'Atlantide est en quelque sorte prévue, machiavéliquement prévue par Platon. Platon sait que cette histoire est absolument fascinante. Platon sait que nous allons tous accrocher en entendant cette histoire. Et Platon le sait parce que Platon sait que la question de l'origine, de son origine propre, est une question au cœur de l'humain. Il n'est pas d'être humain qui ne s'interroge en permanence sur l'origine. Et ce que Platon va faire, c'est de dire, je vous ai compris, mes chers amis, je vous ai compris, chers Avant Athéniens. L'autre déjà, oui, je vous ai compris. C'est-à-dire que l'origine est ce qui vous tarabuste, l'origine est ce qui vous obsède. La question de l'origine, c'est la question de l'identité, de qui vous êtes, de qui nous sommes. Et je vais donc jouer avec cette idée de l'origine. Mais la grande chose, évidemment, c'est que l'origine, votre origine, n'est pas du tout ce que vous croyez. Oui, et surtout, peut-être qu'elle n'est pas du tout... Enfin, nous ne pourrons jamais y avoir vraiment accès, car vous avez bien identifié où est l'Atlantide pour Platon. Par la suite, c'était beaucoup plus compliqué. Si l'Atlantide nous aide à réfléchir à la question de l'origine, alors vraiment, la réponse est loin d'être entre nos mains. Écoutez en tout cas la version d'Alain Decaux, qui décline les différentes localisations de l'Atlantide à travers les siècles. 1553, l'Espagnol Gomorra déclare que l'Atlantide n'est autre que l'Amérique. 1670, le Suédois Rudbeck défend avec fougue l'identification de l'Atlantide avec la Suède. Il publie 4 volumes qui ne forment d'ailleurs que l'introduction de son ouvrage. Le manuscrit de celui-ci ayant été brûlé par accident, il meurt de chagrin sans avoir poursuivi sa démonstration. C'est l'une des nombreuses victimes de l'Atlantide. 1685, l'Allemand Bock retrouve l'île mystérieuse dans l'Afrique du Sud. 1779, de l'île de Sal la situe au Caucase. 1779 encore, Bailly localise l'Atlantide au Spitzberg. 1829, Bartholdi et Latreille la situent en Grèce. 1855, Jacob Kruger affirme une nouvelle fois qu'il ne saurait s'agir que de l'Amérique. 1874, Berliou lasse l'Atlantide en Afrique du Nord. Le cataclysme, qui d'après la tradition a anéanti la grande île, se serait réduit à un tremblement de terre qui aurait submergé le pied de l'Atlas. 1926-1931, deux autres Allemands, Borchardt et Hermann, précisent que c'est en Tunisie, dans la région des Chottes, qu'il faut chercher l'Atlantide. D'autres hypothèses tentent de situer l'île fabuleuse dans le sud de l'Espagne, sur la côte occidentale de l'Afrique, dans la région des Sirtes et même en Océanie. Est-ce qu'il importe, Marwan Rachat, de savoir où se situe l'Atlantide ? Non, absolument pas, bien sûr, puisque l'Atlantide est le reflet de, est en quelque sorte le reflet d'Athènes. C'est donc, ça. C'est une atopie pure et simple. Donc évidemment, Platon, là encore, est un maître écrivain, donc il a donné beaucoup de détails pour encore mieux construire l'atopie. Rien n'est plus caché que ce qui est très précis. On retrouve, et alors de manière beaucoup plus précise, le même mythe de l'Atlantide dans un autre dialogue de Platon. Là, nous avons parlé du Timée, on le trouve dans le Critias. On le retrouve là encore. Alors, est-ce le même Critias ou encore une déclinaison d'un autre Critias ? C'est le même Critias. C'est le même Critias. C'est le même Critias. C'est un dialogue assez particulier, notamment par le fait qu'il est très court, sans doute inachevé. On ne sait pas pourquoi il n'a pas été achevé. On y trouve une longue description, on va en entendre un extrait de l'Atlantide, on verra les différences. Et certaines personnes, je ne sais pas si vous en faites partie, Marwan Rachat, tiennent ce texte de Platon pour un apocryphe, en fait. Il n'aurait pas été écrit par Platon. Oui, exactement. Vous le soutenez ? Je le soutiens. Mais alors, c'est quelque chose qui... Qui fait hurler d'autres platonistes. Qui fait bien sûr hurler la plupart de mes collègues. Pour ma part, mais ce n'est pas évidemment... je ne vais pas vous infliger de trop d'arguments. Pour ma part, ce texte ne peut pas avoir été écrit par Platon. Parce que je n'y retrouve aucun des éléments qui me paraissent fondamentaux dans le mythe de l'Atlantide du Timée. Donc, il me semble que c'est plutôt quelque chose comme un exercice d'école qui a dû être produit dans l'entourage assez immédiat de Platon, mais je ne crois pas que ce soit un texte de Platon. Mais comment vous expliquez une telle erreur, si c'est le cas ? Ah, ça c'est très difficile à expliquer parce qu'on dispose de très peu de sources dans l'Antiquité, donc on ne sait absolument pas, enfin on sait très peu sur la façon dont le corpus, donc l'ensemble des écrits de Platon ont été mis ensemble, on sait très peu donc sur la première diffusion du texte de Platon, donc la question est véritablement opaque et difficile. Et assez angoissante, parce que du coup on se dit, mais est-on sûr que les autres dialogues de Platon sont de Platon, y compris tous les auteurs antiques ? C'est une objection que beaucoup de collègues ne manquent pas de m'adresser. C'est même pas une objection, c'est un constat. Oui, c'est-à-dire qu'on a très envie de dire dans ce cas-là, bon, à ce petit jeu-là, qu'est-ce qui va nous rester d'authentiquement platonicien ? Alors je crois que tout le reste, en gros. Et puis après tout, est-ce vraiment important ? On ne sait pas si Homère a existé là encore, finalement. Je ne crois pas. L'histoire de la philosophie a peut-être une origine mythologique elle-même. Absolument. Alors écoutons l'extrait du mythe de l'Atlantide dans le Critias. Et alors, faites attention à la façon dont ce mythe est raconté ici, dans l'extrait que nous avons choisi, car on se rend compte que, alors que dans le Timée, l'Atlantide est détruite par un tremblement de terre, un déluge, et bien là, elle semble être détruite pour des raisons morales. La puissance d'une nature telle et si grande qui existait alors en ce pays, le dieu la dirigea lui-même contre nos régions, à ce qu'on rapporte, pour quelques raisons du genre que voici. Pendant de nombreuses générations, et tant que domina en eux la nature du dieu, les rois écoutèrent les lois et demeurèrent attachés aux principes divins auxquels ils étaient apparentés. Leur pensée était vraie et grande en tout. Ils usaient de bonté et aussi de jugement en présence des événements qui survenaient, et les uns à l'égard des autres. Aussi, dédaigneux de toute chose, hors la vertu, faisaient-ils peu de cas de leurs biens. Ils portaient comme un fardeau la masse de leur or et de leurs autres richesses, ne se laissaient pas griser par l'excès de leur fortune, ne perdaient pas la maîtrise d'eux-mêmes, et marchaient droit. Avec une clairvoyance aiguë et lucide, ils voyaient bien que tous ces avantages s'accroissent par l'affection réciproque unie à la vertu, et qu'au contraire, le zèle excessif pour ses biens et l'estime qu'on en a font perdre ses biens eux-mêmes, et que la vertu aussi périt avec eux. Par l'effet de ce raisonnement, et grâce à la présence persistante du principe divin en eux, tous les biens que nous venons d'énumérer ne cessaient de s'accroître à leur profit. Mais quand l'élément divin vint à diminuer en eux, par l'effet du croisement répété avec de nombreux éléments mortels, quand domina le caractère humain, alors, incapables désormais de supporter leur prospérité présente, ils tombèrent dans l'indécence. Aux hommes clairvoyants, ils apparurent laids, car ils avaient laissé perdre les plus beaux des biens les plus précieux. Au contraire, aux yeux de qui ne sait pas discerner quel genre de vie contribue véritablement au bonheur, c'est alors qu'ils semblèrent parfaitement beaux et bienheureux, tout gonflés qu'ils étaient d'injuste avidité et de puissance. Et le dieu des dieux, Zeus, qui règne par les lois, et qui certes avait le pouvoir de connaître tous ces faits, comprit quelle disposition misérable prenait cette race d'un caractère primitif si excellent. Il voulut leur appliquer un châtiment, afin de les faire réfléchir et de les ramener à plus de modération. À cet effet, il réunit tous les dieux dans leur plus noble demeure. Elle est située au centre de l'univers et elle voit de haut tout ce qui participe du devenir. Et les ayant rassemblés, il dit. Et on se demande ce qu'il dit à ce moment-là, Marwan Rachet, c'est la fin du texte. C'est la fin du texte. On ne saura jamais ce que le dieu dit aux autres, aux rois, etc. Jamais. Le texte se termine ainsi, donc c'est pour ça qu'on pense que c'est un texte inachevé. Oui. Ça, vous n'êtes pas en désaccord avec le fait qu'il soit inachevé? Non. Voilà. Mais je pense que son auteur ne pouvait tout simplement pas l'achever. C'est-à-dire que si on postule une certaine cohérence, du moins entre le Timée et le Critias, essayons d'imaginer ce que Zeus a pu dire aux dieux. En gros, il a dû leur dire qu'il faut maintenant anéantir cette puissance de l'Atlantide. Si on essaye d'accorder cette idée avec ce que nous avons vu dans le Timée, ça voudrait dire qu'il faudrait lancer cette puissance de l'Atlantide contre la Méditerranée en sorte qu'elle se fasse battre par les Athéniens. Ça me paraît très, très compliqué et finalement pas très convaincant. Donc le texte s'arrêterait parce que l'auteur aurait été lui-même surpris par sa propre inanité. Oui. Enfin, ou cette partie que nous avons, c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui le Critias, c'est un exercice de style qui n'avait pas forcément vocation à aller beaucoup plus loin. En tout cas, l'hypothèse qui est faite dans ce texte, qui est une hypothèse morale, à savoir que finalement, les personnes qui peuplent cette île, les rois qui écoutent les lois, qui sont attachés au principe divin, ont été punis, finalement, ont mal agi. Est-ce que ça n'a aucun lien avec la philosophie platonicienne? Parce que quand même, la dimension morale essaye de vivre en fonction du bien, quelque chose qui a un écho très fort chez Platon. Oui et non. C'est-à-dire que si l'on imagine que le mythe de l'Atlantide dans le Timée est au fond le mythe d'Athènes, on se demande quand même un petit peu ce que vient faire ce centrage de l'analyse sur l'Atlantide dans le Critias. C'est-à-dire que certes, d'une certaine manière, les Atlantes dans le Critias périssent en raison de leur faute, parce qu'ils se sont montrés donc démesurés. Il n'empêche que on ne voit pas trop ce que cette spécificité, disons, produit pour la suite de l'histoire, ce qu'elle nous permet de comprendre véritablement, et surtout dans quelle mesure cela pourrait fonder ensuite une politique. D'autant plus que le texte insiste sur l'importance des dieux dans ce mythe. Et donc c'est une manière peut-être de placer la responsabilité humaine au second plan. Exactement. Et il insiste, vous aurez noté, de manière contradictoire. C'est-à-dire que celui que Platon érige, enfin que l'auteur du texte que nous avons entendu érige en juge des qualités et des défauts des Atlantes, c'est un homme. Donc il est assez étrange faire d'un homme le juge, en quelque sorte, du caractère trop humain et irrémédiablement humain des Atlantes. Il y a quelque chose de très contradictoire à ce moment du texte qui me paraît, là encore, plaider contre l'authenticité platonicienne. Mais même les habitants de l'Atlante n'ont pas l'air d'être complètement humains. Au contraire, ils appartiennent à une forme de... Ils sont mi-hommes, ni dieux. En tout cas, il est écrit que quand l'élément divin vint à diminuer par l'effet du croisement répété avec de nombreux éléments mortels, oui. Il y a une déchéance des habitants même de cette île. Il y a une déchéance, absolument. Et une déchéance qui n'est pas sur le mode généalogique que nous avons vu dans le Timé. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'expliquer de manière historique ce que peut être une hiérarchie ontologique, c'est-à-dire une hiérarchie du réel. Parce qu'au fond, le mythe du Timé, c'est celui-là. C'est celui de représenter, le mythe de l'Atlantide dans le Timé, c'est celui de représenter de manière historique un enchaînement des êtres, donc un enchaînement partant d'un premier principe parfaitement divin et se déroulant jusqu'aux niveaux les plus infimes. Niveaux les plus infimes qui sont quand même parcourus par le divin qui les fonde. Et donc ce mythe de la généalogie du réel, d'une généalogie non temporelle, ce mythe disparaît complètement dans le Critias. Nous avons affaire simplement à une déchéance standard d'un peuple plein d'hubris, plein de démesure. Si on laisse le Critias de côté une seconde, et que je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que c'est très important, vous avez dit que dans ce mythe, au-delà peut-être de la question généalogique, de l'origine de l'humanité, se trouvait une manière d'illustrer, de comprendre le passage du sensible à l'intelligible. Oui. C'est toute la philosophie de Platon qui se ramène à ce passage-là, à cette distinction entre le sensible, à ce que nous voyons, absolument. Et l'intelligible auquel, dans le meilleur des cas, nous avons accès par une bonne utilisation et compréhension de la philosophie qui nous conduit vers le bien. C'est ça. Quel lien entre cette base de la philosophie platonicienne et le mythe de l'Atlantide? Où voyez-vous le passage du sensible à l'intelligible? C'est tout le sens du Timé. Donc le Timé, il y a deux grandes parties dans le Timé. D'abord, donc, cette introduction historique, ce mythe de l'Atlantide, et ensuite la description du cosmos par Platon. Et nous avons vu que dans le mythe de l'Atlantide, ce qui est véritablement en jeu, c'est la question de la généalogie. C'est-à-dire la question de la transmission, la question donc d'un déroulé temporel qui part d'une origine et qui aboutit à un présent. Déroulé temporel qui pose problème, puisque précisément la transmission de l'histoire en dépend, et la transmission de l'histoire est véritablement brisée par ces deux siècles que nous devons compléter sans trop savoir comment. C'est donc entre le premier Critias et le deuxième Critias. Donc Platon attire notre attention sur les apories, les difficultés d'une généalogie temporelle, c'est-à-dire d'une transmission historique et trop humaine. Cette spécificité fait annonce, ou fait, disons c'est une sorte d'écho anticipé, mais annonce une généalogie beaucoup plus importante, annonce une véritable théorie de l'origine qui va fonctionner dans la partie cosmologique ou physique du Timée, puisque Platon va y expliquer comment nous ne pouvons pas comprendre comment nous nous rattachons au premier principe intelligible, divin, sans postuler la médiation des mathématiques et des objets mathématiques. C'est-à-dire que ce qui est véritablement en jeu dans le discours, donc le mythe véritable, le mythe fondé de la physique du Timée, ce qui est véritablement en jeu, c'est un étagement du monde entre ces premiers principes tout en haut, le monde sensible que nous voulons habiter le moins mal possible en bas, et c'est là toute la découverte philosophique de Platon, l'idée que nous devons maîtriser les mathématiques si nous voulons comprendre la médiation entre ces premiers principes et ce sensible. Autrement dit, nous ne pouvons pas habiter le sensible sans le mathématiser, c'est-à-dire sans en déployer toutes les potentialités mathématiques, potentialité que le sensible tire donc de ce royaume intermédiaire, de ce royaume ontologique intermédiaire que sont les êtres mathématiques. Mmh. Donc si vous voulez, l'Atlantide est une préfiguration sur le mode temporel d'une hiérarchie, c'est-à-dire d'un déroulé partant d'un principe et aboutissant aux ultimes conséquences, dont Platon situe le lieu véritable, non pas dans le temps, mais dans l'être lui-même. C'est-à-dire dans les objets que l'on est en droit de considérer comme des êtres véritables, c'est-à-dire donc le mobilier le mobilier cosmique entendu en un sens large, c'est-à-dire pas simplement le mobilier du monde sensible, mais l'ensemble des êtres, c'est-à-dire les principes intelligibles, les êtres mathématiques, eux-mêmes étagés en nombre, surface et solide, et enfin les objets en mouvement du sensible. Et c'est pour ça qu'il est si fondamental de se rappeler que Socrate nous a dit au début du Timée vouloir voir la République en mouvement. Au fond, ce qui se passe dans le Timée, c'est une explication totale du monde du mouvement, c'est-à-dire du monde du cosmos, de la physique, une explication totale au sens où la généalogie fonde maintenant véritablement ce monde, c'est-à-dire au sens où nous pouvons passer des premiers principes, donc parfaitement divins, au cosmos sensible, c'est-à-dire ce cosmos que nous habitons, en comprenant les structures mathématiques qui l'organisent. Mais alors, dans ce cas, le mythe de l'Atlantide fonctionne comme un exemple à suivre ou comme un repoussoir ? Les deux, exactement. Et c'est ça, c'est pour ça aussi qu'il est si fascinant. C'est-à-dire que le mythe de l'Atlantide participe de cette structure éminemment platonicienne, origine, conséquence de l'origine. Et en même temps, le mythe de l'Atlantide est une façon, en quelque sorte dévoyée, puisque temporelle, de parler d'un schème origine, conséquence de l'origine, qui n'a de lieu véritable, encore une fois, qu'en ontologie, que dans une description du réel hors du temps. Et la position de l'Égypte dans ce cadre est tout à fait caractéristique, c'est-à-dire l'Égypte aussi est double chez Platon. L'Égypte se tient proche de l'origine temporelle, en ce sens elle est valorisée, mais l'Égypte n'est au fond elle-même que temporelle. Et ce qui véritablement nous permettra de dépasser le temporel, fût-ce le temporel si reculé dans le temps, fût-ce le temporel originel de l'Égypte, c'est la philosophie de Platon. Mais au fond, la question est de savoir si l'idéal, la cité idéale qui est décrite, a un lien avec l'idée de Platon. Parce que l'idée platonicienne n'est pas forcément idéale. C'est-à-dire qu'on peut vraiment y accéder. Le propre de l'idéal, c'est qu'il ne fait pas partie de ce monde. Oui. Une cité idéale ne peut pas advenir. La réalité est toujours une dégradation par rapport à l'idéal. L'idée du bien, l'idée intelligible selon Platon, elle-même a-t-elle un statut idéal en ce sens ou au contraire est-elle atteignable finalement ? Toute l'entreprise du Timée atteste qu'elle est atteignable, mais elle est atteignable au prix d'un effort scientifique colossal qui consiste à pouvoir rattacher ce que vous venez de qualifier d'idéal au sensible. C'est-à-dire que mais ce c'est que possible Platon, pour Platon. Via les mathématiques. Parce que, comme Platon l'explique dans le Timée, les mathématiques participent d'une certaine éternité de l'idée, de ce que l'on appelle l'idéal, mais les mathématiques sont aussi partout présentes dans le monde sensible, le monde physique, pour autant qu'il exprime un certain ordre. C'est le lien entre les deux. Les mathématiques sont à la fois sensibles et idéales. Exactement. Et c'est pour cela que Platon les décrit en grec comme métaxu, ce qui veut dire intermédiaire. Et c'est pour ça que toute la dernière philosophie platonicienne est une philosophie de la médiation. Médiation opérée par les êtres mathématiques. Seuls les êtres mathématiques, autrement dit, permettent d'affirmer qu'il y a un seul monde, une sorte d'hypermonde joignant aussi bien le cosmos sensible que les principes intelligibles. C'est ça qui se passe dans le Timée. Et le point de théodicée ou le point politique du Timée est là, parce que en démontrant par un travail mathématique colossal qu'il n'y a qu'un seul monde ou hypermonde, alors on répond véritablement aux sophistes, c'est-à-dire que alors on peut véritablement dire que le sensible est un lieu d'ordre. Car si on n'a pas les moyens de rattacher le sensible au principe de l'idéal, alors les sophistes ont raison. Les sophistes vont dire à Platon, mais toi-même tu nous dis que le sensible n'est pas l'idéal, toi-même tu nous dis qu'il y a une séparation, toi-même tu nous dis que c'est différent. Toute l'idée du Timée, c'est pour ça que le Timée c'est l'ultime réponse politique de Platon, et c'est pour ça que c'est une fondation du politique dans le physique. Toute la réponse donc de Platon dans le Timée consiste à dire « Je vous ai maintenant donné les moyens de comprendre que le sensible lui-même participe de l'ordre en un sens fort. » Oui, mais ce qui est une manière d'atténuer le dualisme. Exactement. C'est la glande pinéale de Descartes, c'est le moment où les Exactement. Deux se rejoignent. C'est la glande, le thymée et la glande pinéale de Descartes, vous avez absolument raison. C'est le moment, et c'est au prix, encore une fois, d'une vie d'effort du côté des mathématiques de la part de Platon, c'est le moment donc où les mathématiciens de l'époque de Platon ont une théorie assez puissante des solides, c'est-à-dire, en fait, c'est la théorie de ce qu'on appelle les solides platoniciens ou les solides réguliers, qui a été achevée par Théétète dans les années où Platon écrit le Timée, juste avant. C'est le moment où les mathématiques permettent de proposer une théorie complète des corps réguliers, des solides réguliers. Solides réguliers, je vous le rappelle, qui sont à la base du cosmos physique de Platon. À partir du moment où on peut dériver le monde physique des solides réguliers, parce qu'on a une théorie mathématique complète des solides réguliers que nous n'avions pas encore au moment de la République, alors l'hypermonde est un. Et alors, la théodicée, le projet de justifier la bonté de Dieu, en quelque sorte, peut avoir lieu, parce que on pourra rattacher le sensible à l'intelligible. Donc en fait, si je vous suis bien, c'est un texte, le Timée irrigue toute la culture européenne. Absolument. Absolument, c'est peut-être ça n'a aucun sens de parler comme ça, mais c'est un des textes les plus importants de Platon, parce que c'est un texte aussi qui peut être lu de plein de façons, mais c'est un texte où les lecteurs les plus perspicaces ont décelé ce projet au fond d'une théodicée, c'est-à-dire d'une justification. Le monde est divin pour Platon, et on a décelé l'idée que Platon au fond, justifiait la bonté du monde, c'est-à-dire combattait un démon platonicien possible qui aurait consisté à adopter une position gnostique, c'est-à-dire dire, voilà, le sensible, c'est le mal, l'intelligible, c'est le bien, nous sommes dans le lieu du mal, et c'est bien triste. Platon, au contraire, dans le Timée, c'est à la fois donc le tombeau de Théétète et en même temps un hymne à la beauté du sensible. On va rester dans la beauté du sensible de manière maritime, sous-maritime avec Flavien Berger. Monte la mer et on descend. Il y a des rails sous l'océan. Un labyrinthe, un tourbillon. Et dans l'écume sont les visions des anémones alentour. Un prédateur de plexiglas décrit des cercles blancs dans l'eau. J'aspire les perles d'oxygène bleu. Un grand merci à vous, Marwan Rachat, d'être venu nous parler du Timée, du mythe, de l'Atlantide. Aujourd'hui, je renvoie les auditeurs à vos ouvrages. Ils sont nombreux. On les mettra en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. La jeune fille et la sphère, études sur Empédocle, aux éditions presse de l'Université Paris-Sorbonne. L'héritage aristotélicien, les textes inédits de l'Antiquité, aux éditions Les Belles Lettres. Et puis, vous êtes aussi co-directeur de l'ouvrage Les Grecs, les Arabes et nous, enquête sur l'islamophobie savante, aux éditions Fayard. Merci et à bientôt. Merci. Merci à vous. Ta bouche d'azur. M'aspire dans les profondeurs, les grincements à chaque virage et sur les sièges de velours se cristallise notre amour. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est grand temps de retrouver le journal de la philo présenté par Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Nous continuons notre série sur les 7 péchés capitaux. Hier la colère, aujourd'hui la paresse. Everybody seems to think I'm lazy. I don't mind. I think that I'm crazy. I'm Only Sleeping des Beatles. Nous l'avons dit dans notre épisode inaugural, la paresse comme péché capital apparaît bien tard. Le péché original, c'est l'acédie, cet état d'apathie, de lassitude du moine, d'inquiétude du cénobite face à l'apparente inutilité de sa vocation, comme l'expliquent Carla Casagrande et Silvana Vecchio dans leur histoire des péchés capitaux au Moyen-Âge. L'acédie est donc d'abord un vice monastique. C'est la tristesse qui empêche toute contemplation, selon Cassien, et qui se décline en oisiveté, somnolence, inquiétude, vagabondage de l'esprit, verbosité et curiosité. Faiblesse du corps pour les uns, faiblesse de l'âme pour les autres, l'acédie laïque est différente de l'acédie monastique. Oisiveté, indolence, paresse, amertume, ennui sont plus visibles et plus blâmables que la tristesse du moine. L'acédie se transforme alors en paresse et en mélancolie. Au fond, elle ressemble de très près à ce que les psychiatres appellent aujourd'hui la dépression ou le trouble maniaco-dépressif. Or, entre le péché et la maladie, la différence est immense, la volonté ne pouvant véritablement s'exercer que sur la seconde. Quand on parle de mélancolie, impossible de ne pas évoquer la gravure de Dürer qui représente la mélancolie sous l'aspect d'un ange féminin, aux ailes rentrées, au visage foncé comme l'exigeait pour les mélancoliques la théorie des humeurs, passive, morne comme arrêtée. Autour d'elle, quantité d'instruments de géométrie et à ses côtés un angelot qui, lui, s'applique à griffonner assidûment, tandis que la mélancolie, distraite, les yeux tournés vers un ailleurs, tient mollement un compas. Tout semble crier « à quoi bon ?» À quoi bon la connaissance si l'apocalypse va finir par tout emporter ? À quoi bon vivre dans un monde déterminé par sa finitude ? C'est la perte de l'espoir qui est au cœur de la mélancolie et qui pousse à la paresse. En littérature, la grande figure du paresseux est incarnée par Oblomov dans le roman de Gontcharov. Je vous lis un extrait. Chez lui, Oblomov ne portait jamais ni cravate ni gilet. Il aimait être à l'aise, se sentir libre. Ses pantoufles étaient longues, moelleuses et larges. Quand, assis sur son lit, il laissait pendre ses jambes immanquablement, sans qu'il eût même à regarder, ses pieds s'y glissaient tout seuls. Puis, un peu plus loin, la position allongée n'était pour Ilia Ilitch ni nécessaire, comme pour un malade ou pour un homme qui veut dormir, ni accidentelle, comme pour une personne fatiguée, ni voluptueuse, comme chez les fainéants. C'était son état normal. Quand il était à la maison, et il y était presque toujours, il demeurait couché, et toujours dans cette chambre où nous l'avons trouvé, qui lui servait de chambre à coucher, de cabinet et de salon. Il était rare qu'il mît les pieds dans les trois autres pièces. Tolstoï et Dostoïevski considèrent que le roman est une œuvre capitale. De là naît l'oblomovisme, la flemme de vivre, l'inaction structurelle. On pense à l'oblomov dégénéré qu'est Jeffrey Lebowski, appelé « The Dude » dans le film « The Big Lebowski » des frères Cohen. « The Dude » ne fait que fumer des joints et jouer au bowling. Mais contrairement à Oblomov, qui souffre de sa paresse et qui considère tout de même que sa fainéantise est une tragédie, « The Dude », lui, est un désœuvré heureux et assumé. Tout comme Philippe Noiret, qui interprète Alexandre Gartempe dans Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert. Moi, je le comprends, Alexandre. Il m'a parlé. J'ai compris. J'arrête. Je me couche. Quand on a 120 hectares, on ne dort pas. Ah, parce que tu trouves ça moral de se crever comme on fait. Bon, c'est tout ce que tu trouves à me dire. Moi, je vais me coucher, mon vieux. Vive Alexandre, on l'a pas. Alexandre ? Il dort. Ça fait 2 mois. 2 mois ? Mais c'est pas si possible. 2 mois ? Tu vas pas rester là ? Si. Elle travaille ? Je m'en fous ! Je suis en vacances ! Pour la vie ! L'oiseau dans la... Le basculement correspond à l'époque. Face au culte du travail et son emprise grandissante sur les corps, sur fond d'industrialisation, la promotion de la paresse devient une dissidence, ou quand un excès chasse l'autre. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à Isis Jourda qui m'a aidé à préparer cette émission avec Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Géraldine Mosna-Savoie, Thomas Beau qui réalise cette semaine, Jacques Azubert à la prise de son aujourd'hui, Vincent Schmitt à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite et fin déjà de notre série sur les mythes de Platon. Demain, la philosophe Anne Mercker viendra évoquer pour vous le mythe d'Ère, le pamphylien, autour de cette question, sommes-nous responsables de notre destin ? Vous êtes responsables, en tout cas, chers auditeurs, de votre samedi prochain, le 12 janvier. Nous vous donnons rendez-vous à 11h30 dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour une nouvelle Un nouveau débat organisé par France Culture. Des débats auront lieu toute la journée dans cet amphithéâtre. Nous, c'est à 11h30 autour de cette question. Sommes-nous prêts à la fin du monde? La journée intégrale portera sur la question du réchauffement climatique. Et je serai avec mes invités Cynthia Fleury, Pierre-Henri Castel et Dominique Bourg pour réfléchir à cette question. On vous attend nombreux. Les inscriptions ont lieu en ligne sur le site de France Culture où vous pourrez également réécouter cette émission ou la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous demain, 10h précise. On sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.